Crapman. Oui, la mouche. Est-ce que tu peux m'aider à trouver une robe pour la fête de ce soir? Tu vas à une fête à soir? Oui, c'est une fête de retrouvailles. Toutes les mouches de quatrième année vont être là. Je vais revoir plein d'anciens amis. Ah ouais, c'est cool. Oui, mais je sais pas si je dois mettre ma robe bleue ou ma robe rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Mais là, je sais pas moi. Tu sais plus que moi? Je voudrais que ce soit toi qui décide. Pourquoi? Parce que je veux pas décider. Ben voyons la mouche. Si j'étais pas là pour t'aider à choisir la robe, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Je n'irai peut-être pas à la fête. Franchement, la mouche, t'es assez grande pour décider. Hein, tiens, ça me fait penser à une chanson. Oh non, c'est pas le temps d'une chanson. Oui, oui, c'est le temps. Ah. Se lève un bon matin de très bonne heure, car il a de l'école, mais il se sent de bonne humeur. Il sort donc de son lit et se met à crier. Maman, je suis ici, je suis prêt à m'habiller. Je voudrais que tu m'aides à choisir ce que je dois porter. Oh. Mais dans la maison, c'est le silence total. Pas de maman, pas de papa, même pas un animal. Papi. Alors André se dit qu'il devra choisir tout seul la façon de se vêtir. C'est qui? C'est André. Qui doit quoi? Décider. C'est qui? C'est André. Qui doit quoi? Décider. Il empile donc un pantalon beige des pas bleus et son gilet rouge avec un dessin de fourmi. Et le voilà fier de pouvoir enfin décider de quoi il aura l'air aujourd'hui. Le voilà ensuite dans la cuisine à se demander: qu'est-ce que je vais donc bien pouvoir manger? Son papa, sa maman ne sont toujours pas levés. Alors André se dit que c'est encore lui qui devra décider. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. C'est André. Décider. C'est qui? C'est André. Qui doit quoi? Décider. C'est qui? C'est André. Qui doit quoi? Décider. Ben c'est qui? C'est André. André, André, André, qui doit décider. Qui doit décider. Ok, ok, c'est bon, Crapman. J'ai compris. Je vais mettre ma robe bleue. Ta robe bleue? Mais là, pourquoi tu ris? Ben non, la mouche, c'est une blague. La robe bleue te va très bien.